بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في درسنا 39 في شرح أصول الإيمان للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى aujourd'hui le cours numéro 39 dans l'explication du livre أصول الإيمان de son auteur Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et il nous dit donc walahu fi hadith Jabir at-Tawil anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi khutbati yawm Arafah وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَدِلُّوا إِنْ اَعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتْ وَأَدَّيْتْ وَنَصَحْتْ قَالَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةَ يَرْفَعُهَا وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ Allahumma shahad thalatha marrat. Et donc walahu, c'est-à-dire selon Muslim, parce que le dernier hadith qu'on a vu a été rapporté par l'imam Muslim dans son recueil rahimahullah. Donc dans le recueil de Muslim, selon le hadith de Jabir at-Tawil, le long hadith qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a dit lors de la khutba de Arafah, certes j'ai laissé parmi vous ceux dont si vous vous accrochez à cela, vous n'allez point vous égarer. Le livre d'Allah. Et vous serez interrogés me concernant. Alors qu'allez-vous dire? Ils dirent, nous attestons que tu as transmis et que tu as respecté, donc que tu as transmis le message. Et que tu as respecté le dépôt, wa annaka nasaht, et que tu as été sincère. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé son doigt vers le ciel et le faisait redescendre vers les gens. Allahumma shahad, oh Allah, atteste, oh Allah, atteste, il l'a dit trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikhtar al-mu'allifu rahimahullah, huna juz'an min hadithin tawil. وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. L'auteur ici, il nous cite une partie d'un hadith très long. Et donc l'auteur ici, il a choisi une partie de ce hadith. ويوم عرفة في حجة الوداع هو اليوم الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et le jour de Arafah, le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce discours, durant donc le dernier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, c'est le jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dinan, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Wa fi hadha al-hadith ayyuhal ikhwa, أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده. Il y a dans ce hadith ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un élément. Si on s'accroche à celui-ci, alors nous n'allons point nous égarer après lui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويفهم من ذلك أن من لم يأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ضلالة. Et on comprend de cela que celui qui ne prend pas du livre d'Allah et de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, alors celui-ci est sur une voie égarée. La sunna, elle n'est pas citée dans le hadith. Pourquoi est-ce que ici je cite la sunna? On l'a déjà vu plusieurs fois. Pourquoi est-ce que ici je cite la sunna alors qu'elle n'est pas citée dans le hadith? Le prophète, il nous dit qu'il nous a laissé quelque chose, un élément. Si on s'accroche à celui-ci, on ne va pas s'égarer. Il a dit « Kitab Allah ». Il n'a pas dit « Sunnat Rasulillah ». Et moi, aujourd'hui, je vous dis « Sunnat Rasulillah ». La sunna vient expliquer le Coran. Tu veux prendre le Coran sans la sunna? Tu ne peux pas. Lorsqu'Allah t'ordonne de faire la prière, tu vas prier comment? C'est dans la sunna. Le hajj, tu vas le faire comment? C'est dans la sunna. Hein? La zakat, comment? Dans la sunna, etc., etc., etc. Et donc, tu ne peux pas prendre le Coran sans la sunna. وفي الحديث الأمر بقراءة القرآن والتأمل فيه لأننا كيف نهتدي بما في هذا الكتاب ولا نقرأه ولا نفهمه. Il y a dans ce hadith le fait, l'ordre de lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de chercher à le comprendre. Comment pouvons-nous suivre la guidée qu'il y a dans ce livre si on ne le lit pas et si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il contient? Wa fil hadith annana sanus'alu yawm al-qiyamah 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa annana sanashhadu lahu bi annahu qad balla' wa annahu qad adda al-amanah wa annahu nasah. Il y a aussi dans ce hadith le fait que on sera interrogé au jour de la résurrection concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on va attester, on va affirmer que celui-ci a transmis le message, qu'il a donc respecté le dépôt, et qu'il a été sincère sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika al-anbiya yus'aluna an umamihim. Et aussi les prophètes seront interrogés concernant leur communauté. Et donc, yawm al-qiyamah, an-nas الأمم يسألون عن الأنبياء والأنبياء يسألون عن الناس. Au jour de la résurrection, les prophètes sont interrogés concernant leur communauté et les communautés sont interrogées concernant leurs prophètes. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Certes, nous allons interroger ceux vers qui les messagers ont été envoyés. Et nous allons interroger les messagers. Nous allons interroger les messagers, donc ceux qui ont été envoyés. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَسْأَلُ الْأُمَمْ وَالْأَنْبِيَا. Et donc Allah تَبَارَكَ وَتَعَلَى va interroger les peuples ainsi que les communautés. فَيَسْأَلُ الْأُمَمْ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ نَبِيِّ. Il interrogera les communautés: est-ce qu'un prophète est venu à vous pour vous transmettre la vérité? فَأَهْلُ الْإِيمَانِ يَكُولُونَ نَعْمُ. Les gens de la vérité, les gens de la foi, ils diront au jour de la résurrection: oui. وَأَمَّا أَهْلُ الْكُفْرِ فَيَكُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ. Les gens de la mécréance, alors ils diront: aucun annonciateur ni aucun avertisseur ne sont venus à nous. Wa qad akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yaji'u Nuhun wa ummatuhu yawm al-qiyamah fa yaqulu Allah ta'ala hal ballaght. Al-Bukhari a cité dans son sahih selon Abi Sa'id que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Nuh et sa communauté viendront au jour de la résurrection. Et Allah, il dira à Nuh: est-ce que tu as transmis le message? Fayakulu na'am. Alors il dira: na'am. Fayakulu Allah tabaraka wa ta'ala li ummati hal ballagakum. Alors Allah ta'ala dira à sa communauté: est-ce que il vous a transmis le message? فَيَكُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ. Alors ils diront: non, aucun prophète n'est venu à nous. فَيَكُولُ لِنُوحْ مَنْ يَشْهَدُ لَكْ. Alors Allah Ta'ala dira à Nuh: qui atteste en ta faveur? Qui atteste en ta faveur? Alors il dira Nuh sallallahu alayhi wa sallam. Il dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ummatuhu. Alors il dira Nuh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, c'est eux qui vont témoigner en ma faveur. Et donc le rapporteur du hadith, il nous dit فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ. Alors on va attester que celui-ci a transmis le message. وَهُوَ قَوْلُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et donc le rapporteur il nous dit qu'on va attester en faveur de Nour qu'il a transmis le message, et ceci est donc l'application de sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté juste, litakunu shuhada'a 'ala an-nas, afin que vous témoigniez concernant les gens. Fata'ammalu ayyuha al-ikhwa fi hadha al-inad, méditez, chers frères, concernant cet entêtement. Nuh jalasa ma'ahum 1000 sana illa 50 ama. Nuh est resté avec eux 950 ans. Il est resté avec eux. Et ensuite ils disent maja'ana min nabi. Aucun prophète n'est venu à nous. Aucun prophète n'est venu à nous. Un entêtement, un orgueil. Wa fi hadha ayyul ikhwa anna Allah tabaraka wa ta'ala akramana. Il y a dans cela, chers frères, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a honorés. Il a honoré la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faja'alana nashhad 'ala an-nas. Il a fait que on va donc témoigner concernant les communautés. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Ma'a annana lam nahdur. Alors que nous n'avons pas assisté à ce qui s'est passé. Walakin ma'ana kitabullah. Tabaraka wa ta'ala. Cependant, nous avons avec nous le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc la fin du hadith nous montre l'importance du début du hadith. Le fait donc de nous accrocher au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car au jour de Yawm al-Qiyamah, lorsque nous allons donc témoigner concernant les communautés d'avant nous, nous allons témoigner avec quoi ? Avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fakifa la naqra'uhu. Alors comment se fait-il que on ne lise pas ce livre grandiose et important? Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam nasah. Falam yukhfi shay'an mimma nahnu nahtaju ilayh. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sincère. Et donc, il n'a pas caché quoi que ce soit dont nous ayons besoin pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bel ja'ala hadha an-nush asasan fi hadha ad-din. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que cette sincérité soit un fondement dans notre religion. Ad-dinu an-nasiha. La religion n'est que la sincérité, le fait que tu sois sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, ses livres, ses prophètes. Hein? C'est vraiment important, le fait de faire preuve de sincérité. Fa ar-rajul an-nasih yaqulu lin-nas ma lahum wa ma 'alayhim. Et donc, la personne qui est sincère, cette personne-là va dire aux gens ce qui va en leur faveur et ce qui va en leur défaveur, ce qui est contre eux. Il ne va pas hésiter à dire aux gens ce qui ne va pas. Comme je l'ai dit lorsque je suis venu ici au début, j'ai dit attention, je ne suis pas venu ici pour vous dire ce que vous voulez. En alam atilidalik. Je ne suis pas venu ici pour vous dire à toi qu'est-ce que tu veux. Ah, mashallah, est-ce que tu cotises à la mosquée? Tu cotises? Ben tiens, on va faire une fatwa, je vais te dire ce qui t'arrange. Ah, badan, jamais. Jamais. Jamais. Je sais, il y a des imams qui sont éprouvés par ça. Ils sont éprouvés par ça parce qu'on a peur de perdre cette chaise. On a peur de perdre cette mimbar, ce mimbar. On a peur de perdre ce salaire. Wal-iyadu billah. Non, hadi mas'ouliya, tu viens, tu dois dire aux gens le haq, la vérité. Tu dois faire comme il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alaykan tansah. Tu dois faire preuve de sincérité. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ballagha ma unzila ilayhi min rabbi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce qui lui a été révélé venant de son Seigneur. Wa hadha ad-din ayyuha al-ikhwa wasalana li'anna as-sahabata radiyallahu anhum wat-tabi'in wa man ba'dahum qamu bihadha al-wajib ballagha hadha ad-din. Cette religion, elle nous est parvenue comment ? Ici, on est en France, les frères, on est à Villerue. On n'est pas en Algérie, on est à Villerue. Et même, tu me diras à Paris, on est à Villerue. Cette religion, elle nous est parvenue comment ? C'est parce que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in et les autres qui les ont suivis, ils ont transmis cette religion. Ils ont fait des efforts. Ils ont donné de leur temps. Ils ont donné de leur sang pour transmettre cette religion. Et nous aussi, on doit transmettre pour les communautés d'après nous. Comment on va faire pour cette communauté, pour les jeunes qui viennent après nous? Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on leur transmette. Il faut qu'eux, ils transmettent. Il faut qu'on fasse des efforts pour préserver les communautés d'après nous, pour préserver donc les générations qui viendront après nous. C'est important, les frères. Il ne faut pas que tu restes là en te disant, tu penses qu'à toi. Et c'est tout, khalas, non, tu dois penser à ceux qui viennent après. Et donc nous devons transmettre cette religion aux chers frères. Wa jami'u ahli al-bid'ah khalafu fi hadha al-amr. Et tous les innovateurs, ils se sont contredits à, et donc ils se sont opposés à la vérité dans ce sujet. Lidha naqulu lahum. البدعه التي انتم تقومون بها هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغها ام لم يعلمها فحينئذ فانتم اعلم منه في امور دينه. Et donc nous disons aux innovateurs, cette innovation que vous faites, que vous nous dites toujours jour et nuit, bonne bid'a, bonne bid'a, bonne bid'a, cette innovation que vous faites, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la connaissait et il ne l'a pas transmis? Puisqu'on va transmettre, on va attester qu'il l'a transmis. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la connaissait et ne l'a pas transmis? Première possibilité. Ou deuxième possibilité, il ne la connaissait pas et donc vous connaissiez mieux que lui sa législation. Ils ne peuvent pas répondre à cette question. Ils ne peuvent pas répondre à cette question car dans les deux cas, ils vont établir la preuve sur eux-mêmes. Soit ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait et n'a pas transmis wa hadha kufrun, et ça c'est de la mécréance. Soit ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas et donc eux ils connaissent mieux la législation que lui, et ça c'est de la mécréance. Et donc, يجب علينا أيها الإخوة أن نتمسك بهذا الكتاب وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نجتنب البدع. Et donc, il est important que on s'approche au livre d'Allah تبارك وتعالى et à la sunna de son prophète صلى الله عليه وسلم et qu'on s'éloigne de toute innovation. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.